Typhoon Mine, bonsoir et bienvenue. Comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, je vais bien et vous-même. Très très bien, merci. Merci en tout cas d'avoir répondu une fois de plus Merci de présent. m'inviter, c'est tout. Merci d'avoir répondu présent à notre appel, Typhoon Mine, également avec nous ce soir, Tarek Mami, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Junior, bonsoir à toutes vos téléspectatrices et bonsoir à tous vos téléspectateurs à travers l'Afrique, mais pas seulement, puisque aujourd'hui on vous regarde en Europe. Et si j'ai bien compris, on vous regarde un petit peu aussi des côtés de la Fédération de Russie pour ceux qui parlent la langue française, chose qu'on vous reproche, parce que comme il est connu, les uns ont le droit d'être partout et les autres doivent être toujours cantonnés dans le petit salon. Merci à vous, chers messieurs. On espère que les autres invités nous rejoindront, bien sûr, en commission. On a Ngouti Benzin nous a rejoint également. Bonsoir et bienvenue. Et bonsoir, comment allez-vous, cher journaliste? Vous allez bien, mon frère? Je vais bien et vous-même. Merci beaucoup. Merci à vous également. On attendra également, on attend l'arrivée d'Alain Jules Meunier et du général du peuple malien Issa Diawara. Mais sans plus tarder, on va débuter le débat avec vous, chers messieurs. Typhoon Mine, je le disais d'entrée de jeu de cette émission, le Soudan avait connu une certaine accalmie à la suite du coup de qui a vu tomber Omar El-Béchir. On le sait, il y avait tout de même des tensions entre les différentes parties, des parties conduites par deux généraux très importants dans l'armée soudanaise, notamment le général Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Daglo. Mais comment comprendre l'origine de ces affrontements subits? Parce qu'il faut dire qu'ils ont été subits, ils ont surpris beaucoup de personnes, dont nous, ils ont éclaté un jour et ils ne sont pas prêts de ça. Au vu de ce qu'on observe, de nombreuses personnes ont déjà perdu la vie. Pourquoi maintenant, d'après vous, Typhoon Mine? Écoutez, comme je l'ai évoqué hier, en passant chez vous, j'avais dit que c'était donc une lutte de pouvoir entre les deux hommes. Il y avait donc ce qu'on appelle un différend latent entre les deux hommes, sachant que deux personnes qui veulent partager le pouvoir, ce qu'on appelle un pouvoir dicotomique, qui ne pourrait pas marcher avec deux personnes autoritaires de surcroît, sachant que Al-Burhan est à l'origine donc d'un coup d'État à la suite des soulèvements de 2019 qui ont donc débouché sur la création du Conseil souverain donc qui était supposé partager le pouvoir avec les civils, chose qui n'a pas tardé à dissoudre donc en octobre 2021. Et aujourd'hui, on a cette histoire qui nous ressurgit quasiment dans un contexte donc un peu tendu international. Il faut tout lier pour comprendre un peu la géopolitique et comprendre surtout les tenants et les aboutissants de ce qui se passe en termes de conflits dans les régions, pardon, qui sont donc sujettes à devenir des terrains d'influence, notamment entre les grandes puissances, à savoir la Russie, la Chine et les États-Unis. Dans ce cas de figure, il faudrait donc pour parler des raisons ou de gel au conflit, il faut savoir que les deux hommes étaient amis depuis 2004, ils partageaient les renseignements pratiquement de tout le Soudan. Il y a Hamiti, enfin Mohamed Hamdan Daglo, qui est quand même à l'origine de pas mal d'exactions de Darfour. Il est lui-même issu de cette région. Donc, en 2013, les fronts de soutien rapide ont été créés justement dans le sillage on va dire, de la répression qui allait, donc, soi-disant, enfin, selon leurs termes, donc, mettre fin ou plutôt pacifier la région. Maintenant, on est devant donc un scénario kafkaïen qui oppose deux hommes assoiffés de pouvoir. Et si on devait, mon cher Junior, peser entre le pour et le contre, il est beaucoup plus, on va dire, beaucoup, on va dire que la raison est beaucoup plus du côté de Monsieur Hamiti. Monsieur Hamiti, il est vrai qu'il scande des slogans très chers à l'Occident, à savoir la liberté, la démocratie, et ainsi de suite. D'accord. Mais cet homme, comparé à Burhan, qui est d'un tempérament très très autoritaire et qui, ma foi, voulait imposer à Hamiti de dissoudre ce qu'on appelle ses forces de soutien rapide, chose que Hamiti a refusé, c'est à partir de ce moment-là que l'étincelle donc a éclaté. Maintenant, est-ce que le conflit va s'arrêter à ce niveau, je ne pense pas. À moins que les interférences, c'est-à-dire les grandes puissances, jusqu'alors, il y a les Américains qui se font beaucoup plus entendre, ils appellent au calme, on a vu avec les déclarations de Blinken, on a vu que les forces militaires de Monsieur Borhan qui ont carrément, quasiment ignoré les appels au cessez-le-feu, alors que Hamiti avait donc tweeté comme quoi il était donc disposé à assurer donc une trêve de 24 heures pour permettre aux malades et aux blessés donc une espèce de couloir, on va dire, humanitaire pour permettre aux gens de la santé d'intervenir et aux blessés d'être évacués. Malheureusement, Borhan, comme je viens de le dire, je n'ai rien contre la personne, mais je ne fais que constater en tant que journaliste professionnel. Donc, Borhan, a priori, c'est un homme qui est trempé d'un tempérament très, très autoritaire, et on le voit bien aujourd'hui. Il a le soutien de son compère, Abdel Fattah el-Sissi, qui n'est pas plus loin que ce matin a convoqué donc son conseil intérieur de sécurité, sachant que la stabilité du Soudan donc est très capitale pour l'Égypte, sachant que ce qu'on appelle la sécurité intérieure de l'Égypte peut être menacée. C'est à ce moment-là que les choses peuvent peut-être dégénérer. C'est à ce moment-là, pardon, que l'ICC pourrait, je dirais bien, pourrait être amené à intervenir au Soudan pour ne serait-ce que limiter un peu les dégâts. Alors, s'il fallait maintenant parler des causes exogènes donc au conflit qui vient d'éclater, donc nous savons que les deux hommes partageaient il n'y a pas longtemps, on va dire, le pouvoir. Ils étaient donc beaucoup plus au courant de ce qui se passait à l'extérieur de leur pays, qui même donc dépendait justement de ces politiques extérieures, sachant que la guerre du Yémen a été donc logistiquement et militairement donc appuyée par ce qu'on appelle les FSR, d'ailleurs, encore une fois, qui sont intervenus au Yémen, moyennant somme d'argent, on risque de le répéter, je l'avais dit précédemment. Donc maintenant, est-ce que les deux hommes vont donc écouter ce qu'on appelle l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis, avec lesquels ils entretiennent de très très bonnes relations? Je ne pense pas à l'heure qu'il est, parce qu'on voit bien que le conflit est en train de métastaser. Alors, les Américains, dans ce scénario, quel est leur rôle? On peut supposer, ou on peut faire plusieurs lectures. On peut dire que les Américains sont beaucoup plus, je pense, impliqués de façon, on va dire, pas directe, mais indirecte. Il y a la face cachée de l'intervention américaine qui appelle au calme et tout ce qui va avec. Il y a aussi ce qu'on appelle les velléités d'indépendance du Darfour, dont les Américains partagent tout à fait l'élan. C'est-à-dire que le Darfour, qui est riche en pétrole, qui est carrément donc à la limite avec le Tchad, les Américains, ça les arrangerait que cette région, avec Israël, il faut bien le rappeler, avec Israël, qui sont bien disposés, et surtout qui ne verraient pas d'un mauvais œil à ce que cette partie soit détachée du Soudan. On a vu qu'en 2011, à la suite du dépècement du Soudan par la faute de ce Matignon, en parlant de Omar al-Bashir, qui déambulait avec son bateau de Matignon, et qui a quasiment, et sans conscience, et sans intérêt pour ce pays, qui a bradé son pays, qui a laissé son pays se morceler, à savoir que le sud du Soudan est riche en pétrole aussi, dans 80% du pétrole, enfin deux tiers du pétrole, et maintenant, le Nord se contente de ce qu'on appelle de l'évacuation de ce pétrole qui est puissant dans le Sud. Alors, maintenant, il faudrait repositionner les choses, surtout recadrer les choses, et essayer de voir avec transparence ce qui se passe derrière le rideau. Alors, en 2011, pour commencer, il y avait Israël qui avait encouragé justement le sud du Soudan, donc, à appeler à la sécession purement et simplement. Ils ont fait donc bouger leur lobby au sein de l'ONU et des ONG, donc qui malheureusement œuvrent toujours dans le sens des puissances, et malheureusement encore qui ont donc participé indirectement donc au découpage du pays. Et aujourd'hui encore, il y a Israël encore qui revient. D'ailleurs, il y a 3 ou 4 jours, le ministre des Affaires étrangères israélien s'est déplacé, avant que ça n'éclate au Soudan, s'était déplacé donc à Khartoum. Il avait dit qu'il était venu pour dire les 3 oui. Je m'explique ce que c'est les 3 oui pour revenir aux 3 non. Parce que dans le sillage de la guerre de 67, ce qu'on appelle la guerre des 6 jours, entre Israël et la coalition arabe menée par l'Égypte à l'époque. Dans le sillage de cette guerre, le Soudan avait organisé ce qu'on appelle un congrès où il appelait à ce qu'on appelle les trois noms, c'est-à-dire pas de normalisation, pas de paix et ainsi de suite. Alors, ce ministre, pour donc faire le lien entre la visite dernière de ministre des Affaires étrangères israélien, donc quelque part c'était un peu de la provoque, quand il descend de son avion et sur le tarmac, il dit qu'il était venu pour rapporter les trois oui, ça en dit long, mon cher Junior. Et je m'arrêterai là. Merci, merci à vous Typhoon Smaïn pour cette première intervention. Je vous retrouve à présent Tarek Mami. Comme dans la plupart des pays du continent africain où il y a de tels conflits, où il y a de tels affrontements, on a l'habitude de dire ou de penser que ces pays-là sont le théâtre de jeu de grandes puissances. Le Soudan n'échappe pas à cette règle entre tiraillée entre les influences états-uniennes et les influences également de la Fédération de Russie dans le conflit qu'on observe au jour d'aujourd'hui entre ces deux généraux-là. La question, elle est toute simple, Tarek Mami, qui roule pour qui réellement? Quel général fait le jeu de quelle grande puissance exactement? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Pour commencer, nous avons en Afrique et dans le monde arabe cette habitude de se présenter souvent comme victime ou de dire que c'est la faute des autres. Moi, j'ai pour habitude, dans mes analyses, de commencer par me dire quelle est notre responsabilité à nous dans un conflit ou dans un problème. Donc, pour moi, l'essentiel et le plus important, c'est un conflit entre deux hommes soudanais qui, effectivement, offrent, par leur propre conflit, la possibilité aux puissances étrangères de venir intervenir dans ce pays. Parce que si ces deux généraux s'entendaient comme ils s'entendent depuis le coup d'État qu'ils ont commis ensemble contre Al-Béchir, aujourd'hui ils ne seront pas dans cette guerre. Moi j'aime beaucoup le proverbe africain qui dit que deux crocodiles ne peuvent pas coexister dans le même bassin, dans un seul bassin. Nous y sommes au Soudan, nous avons affaire à deux crocodiles, et chaque crocodile veut paraître, pour parler africain, comme le mâle, M-A-L-E, qui est donc le maître du bassin dans lequel il est. Et c'est ça qui explique. Il n'y a pas de différence idéologique, il n'y a pas de vision du monde différente. Bien sûr, Emediti apparaît comme plus malin idéologiquement et explique que lui, il est contre le général Al-Burhan, parce que le général Al-Burhan voudrait remettre en place les islamistes, le mot que vous connaissez, en Afrique et dans l'Occident, qu'il veut remettre en place le régime de Al-Bashir, et donc il se présente comme celui qui, lui, va utiliser les normes occidentales, valeurs de liberté et démocratie et tout le reste. Mais tout ça, c'est du leurre. Ces deux hommes qui sont arrivés à un point de rupture parce que chacun d'eux croit à tort, à mon sens, puisque ni l'un ni l'autre ne s'est présenté au suffrage universel du peuple soudanais, ni l'un ni l'autre ne sont légitimes pour être président suite à un coup d'État. Or, tous les deux sont arrivés à la tête de ce pays à la suite du coup d'État. Le premier, donc le général Al-Burhan, qui était de fait le numéro un, le patron de ces pays, parce que malheureusement il faut parler comme ça quand on parle de pays comme le Soudan ou le Somalie, et le numéro 2, M. Hamiditi, n'accepte pas d'être un simple numéro 2 et se voit plutôt un numéro 1. Vous connaissez aussi la phrase « être calife à la place du calife », chacun d'eux voudrait être le calife à la place du calife. En réalité, de quoi il s'agit? Il s'agit, donc, après le coup d'État, Ismaïl n'en a pas bien parlé tout à l'heure, après le coup d'État, il y avait un accord de principe pour que ça passe à l'échelle internationale de faire la fameuse période de transition pour remettre le pouvoir aux civils. Or, ceci devait intervenir il y a 2 ans, il y a 3 ans, voire, en 2020. Ce n'est pas arrivé. Et ce n'est pas arrivé. Et donc, il y a eu 2 nouvelles négociations au mois d'octobre dernier. Et cette fois, on a dit, OK, cette fois, on va remettre le pouvoir donc à la société civile. Et là, se pose la question de l'armée au Soudan. Et donc, le principe était, il y avait deux principes. L'un a été accepté par Hamidetti, le deuxième n'a pas été accepté. Le premier principe, c'est que les militaires doivent être sous le contrôle du président civil qui va être désigné ou demain élu. Et donc là, Borhan dit OK pour ce principe. Hamidetti dit OK pour ce principe. Bon, on est content, ça a avancé. Cependant, si Hamidetti précise bien que lui, il veut que ses forces armées soient sous le contrôle du futur président civil, Monsieur El-Burhan, le général El-Burhan, met une condition supplémentaire. Il dit, avant qu'on transmette le pouvoir donc aux civils, il faut que les forces rapides qui sont dirigées par Hamidetti soient d'abord mises sous contrôle de l'armée nationale. Or, tout ça, c'est un prétexte. Pourquoi il demande à dissoudre, en quelque sorte, en tout cas à fusionner cette force rapide à l'intérieur de l'armée nationale, parce que lui, El-Burhan, est le patron de l'armée nationale. Donc, s'il arrive par la politique à réduire son adversaire et son armée, les forces rapides, à l'intérieur de l'armée, ben, après, rien ne l'empêche de ne pas retransmettre le pouvoir donc à la société civile et de continuer à être donc à diriger le pays. En fait, il y a un problème d'ivresse de pouvoir et de règles du jeu dans beaucoup de pays africains et arabes. Et celui qui goûte au pouvoir, comme El-Bashir, comme aujourd'hui El-Burhan, ne veut pas lâcher l'affaire. Et c'est là où je peux répondre brièvement à votre question. C'est que derrière, les Américains vont jouer leur jeu, les Égyptiens vont jouer leur jeu, les Émiratis vont jouer par leur jeu, et on peut en gros dire que Burhan est plutôt soutenu par l'Égypte de Al-Sisi, Hamidetti est plutôt soutenu par les Émirats, et les Émirats aujourd'hui, il y a un super d'ailleurs des Émirats dans le monde arabe, les Émirats, dès que, comme dirait Goebbels, quand Goebbels disait, quand j'entends le mot culture, je sors mon pistolet. L'Émirat, quand elle entend le mot islam, islam politique ou frère musulman, elle sort son pistolet. Et elle considère qu'elle ne peut pas être du côté de El-Burhan, puisque El-Burhan serait ou islamiste ou soutien des islamistes. Et donc vous avez, à partir d'une pseudo-lecture idéologique qui est fausse, deux égaux, deux généraux dont chacun voudrait être président de ce pays pour quelques années, comme Bachir l'a été. Et donc, ne cherchant pas à compliquer les choses pour les auditeurs, les téléspectateurs et téléspectatrices, il s'agit d'un problème d'accès, de maintien au pouvoir politique pour le général El-Burhan et d'accès au pouvoir pour l'autre. Et ce qui est malheureux, c'est les 300 morts déjà soudanais et plus de 500 blessés. Et donc, dans toutes ces guerres, comme en Syrie, comme en Irak, comme en Afrique, c'est toujours, au Mali et ailleurs, c'est toujours la population qui paye le prix. Et donc, essayons de faire simple, deux hommes voudraient soit accéder au pouvoir, soit garder le pouvoir, se font la guerre au nom de principes qui n'existent pas en réalité. Mani, une dernière question peut-être avant de vous libérer, puisqu'on va vous laisser partir pour revenir un peu plus tard. Merci. Vous avez évoqué le fait que ce soit un conflit entre deux généraux soudanais, cela est clair. Il y a également, ces derniers peuvent permettre à d'autres puissances d'interférer dans ce conflit-là. La place de Washington au travers de l'Égypte semble déjà être nette. Qu'en est-il donc de l'influence russe dans ce qui se passe au Soudan? Parce que la Russie également a été en quelque sorte pointée du doigt dans les influences étrangères qui pouvaient faire partie de ce conflit. Alors d'abord, un mot sur la Fédération de Russie. Aujourd'hui, le président Poutine, je ne suis pas forcément poutinien, mais l'a dit, et son ministre des Affaires étrangères, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, c'est toujours la faute de la Russie. C'est jamais, encore une fois, la faute des autres. Il se trouve qu'on reproche aujourd'hui à M. Hamidetti d'être proche du groupe paramilitaire Wagner. Et donc ça, c'est l'argument aujourd'hui qu'on utilise en Occident pour justifier que Hamedity n'est pas la bonne personne qui doit diriger le Soudan. Et donc le rôle de la Russie aujourd'hui, il n'est pas clairement établi comme l'est le rôle de l'Égypte ou le rôle des États-Unis, mais aujourd'hui, la Russie, grande puissance, puissance qui travaille avec la Chine et d'autres à construire un monde multipolaire contre le monde unipolaire américain, forcément a intérêt à intervenir au Soudan. Je vous rappelle pour mémoire, et pour ceux qui, comme Smaïm et comme nos autres intervenants, aiment bien regarder l'histoire d'hier pour comprendre aujourd'hui, j'allais dire avec 40 ou 50 ans de retard, dans les années 75, on va se retrouver dans le conflit de l'Angola. L'Angola, où il y avait les Américains d'un côté, qui alimentaient les Américains et les Français, et de l'autre côté, l'URSS de l'époque. Et donc, c'est ce que je vous dis, la Russie est en droit d'intervenir pour défendre ses propres intérêts, comme les Américains, mais la grande question pour moi, c'est que font ces deux généraux pour sauvegarder leur pays, leur richesse. Ils ont déjà tous ensemble, avec le général Bachir, perdu le sud, soi-disant chrétien, sur des raisons religieuses, alors que c'est un argument qui ne marche pas en Occident. Là, ils risquent de perdre le Darfour. En clair, le Soudan, qui était le plus grand pays d'Afrique, et c'est aujourd'hui l'Algérie qui a pris la place depuis le Découpage, risque de reperdre une autre partie de son pays, la partie la plus riche en pétrole. Et encore une fois, pour moi, il faut comprendre que c'est une bataille d'ego entre deux hommes qui veulent rester au pouvoir, et deux, ce sont ces deux hommes qui sont responsables du drame de leur pays, et il est presque légitime que les Émirats, que l'Arabie Saoudite et que donc la Russie, que la Chine un petit peu cachée derrière la Russie et que les États-Unis interviennent, et Israël bien sûr, pour protéger leur propre intérêt. C'est ça qui est malheureux. Donc aujourd'hui, dans ce pays, en Afrique et dans le monde arabe, nous n'avons pas voulu ou nous ne voulons pas accepter ce principe, j'allais dire, de changement de pouvoir par les élections, les uns après les autres, et quand on perd une élection, on part, quitte à ce qu'on essaye de revenir, et tant qu'il y a cette mentalité d'ivresse de pouvoir et d'hommes qui se croient tous indispensables et que chacun se considère comme sans lui il n'y aurait pas de pays, alors que ce pays a existé avant lui, existera après, nous aurons ce drame d'ego. Et donc notre fameux proverbe africain, les deux crocodiles ne peuvent pas coexister dans le même bassin. Je vous remercie et je reviendrai tout à l'heure pour le deuxième sujet et ça me fera plaisir d'être toujours avec vous. Merci à vous également, Tarek Mami. On va poursuivre le débat avec vous, Typhoon Smaïn. L'IGAD a donc déjà envoyé une délégation de 3 chefs d'État du côté de Soudan pour essayer de trouver en quelque sorte une solution à ce conflit-là. D'après vous, Typhoon Smaïn, est-ce que le conflit entre les deux généraux, y a-t-il moyen là présentement que les deux se parlent pour le moment? Écoutez, en l'état actuel des choses, il est difficile de se prononcer, sachant que les deux hommes sont têtus, donc ils sont quasiment, donc c'est une bataille de pouvoir, elle n'a pas d'autre qualificatif, hein. Ces deux hommes se battent pour le leadership, pour justement gérer le Soudan. D'ailleurs, quand on avait donc dissous ce qu'on appelle le conseil souverain, donc on va dire composé de civils, c'était dans ce sens-là, et c'est justement la conséquence de cette dissolution qui a fait que, même si Borhan a soi-disant, on va dire, créé un autre conseil, ça c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup plus dilatoire, c'est pour gagner du temps, mais cela dit, les deux hommes, en l'espèce, c'est-à-dire en état actuel des choses, je ne pense pas qu'ils soient disposés, à moins qu'il y ait des pressions de leur, on va dire, tuteur politique, parce que si on parle maintenant de connivence, ou si on parle de complot derrière le rideau, on peut, dans ce cas, donc, envisager qu'il y ait des pressions énormes pour justement pousser les deux hommes à donc, s'asseoir autour de la table et discuter de l'intérêt de leur pays, parce que là, il s'agit d'intérêts personnels. C'est comme disait mon confrère Mami, c'était donc c'est un problème d'ego. A priori, les deux hommes ne sont pas prêts à renoncer donc à leurs engagements personnels, Et aujourd'hui, si il va y avoir, on va dire, une instance qui pourrait raisonner en faveur des hommes et qui pourrait même donc s'inscrire dans une, on va dire, dans une perspective de pression et de sanction surtout, ça pourrait être l'Union africaine. Or, l'Union africaine, même si elle s'est manifestée, mais jusqu'alors, pas d'une manière, on va dire, importante. On voit bien que c'est beaucoup plus les États-Unis qui parlent de retour au calme, l'Égypte voisine, alors que l'Union africaine, elle reste plus ou moins sourde, parce que tous les médias que j'ai parcourus, par exemple cet après-midi, je n'ai pas trouvé trace de ce qu'on appelle l'Union africaine. L'Union africaine, je pense que sa vocation première, c'est de établir la paix sur le continent pour qu'il n'y ait plus de guerre sur le continent. Et malheureusement aujourd'hui, comme c'est toujours le cas, hein, notamment dans les pays arabes, malheureusement, c'est toujours un problème donc de leadership qui se pose, et c'est jamais, on va dire, à la faveur ou à l'avantage du peuple, et c'est toujours le peuple qui paye en l'occurrence. Les Soudanais aujourd'hui, c'est qui sont les premières victimes? On voit bien que c'est les civils. Ça a dépassé les 188 morts, en plus de une centaine, on va parler de 1000 et quelques morts. Donc, en pratiquement 3 jours, il y a de quoi s'inquiéter. Alors, maintenant, s'il y a lieu de lancer... Allô, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Bonjour, Taifo, on vous reçoit. Oui, en effet, parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que c'était coupé. Donc, maintenant, pour revenir à ce qu'on pourrait raisonner et appeler les deux hommes à la raison pour qu'ils s'assoient autour d'une table et surtout voir l'intérêt de leur pays. Mais à mon avis, c'est un peu difficile, c'est un pari difficile, notamment du côté de Borhan. Borhan, c'est un homme, attention, c'est un homme qui est vraiment, on va dire, si je puis me permettre de parler ainsi, c'est un homme cruel. C'est un homme qui a fait partie, on va dire, de l'ancienne garde, on va dire, prétorienne du président al-Bashir, qui n'a pas osé, en 2003, en parlant de l'équipe, hein, de manière générale, a massacré des pauvres civils dans le Darfour. Et c'est pas des enfants de cœur. Donc maintenant, est-ce que il va revenir à de bons sentiments? Je pense que seule la coercition, seule la pression, et seules les menaces et les sanctions pourront peut-être amener cet homme à s'asseoir. Bon, maintenant, pour revenir à Hamiti, pour équilibrer un peu les choses. Et Hamiti, il est vrai aussi qu'il a un passé aussi dégueulasse que le sien, c'est-à-dire c'est un homme qui fait partie des forces de soutien rapide qui ont été formées uniquement et spécialement dédiées à ce qu'on appelle à la répression dans le Darfour, même si elle a été créée tardivement, donc en 2013. Mais toujours est-il que cette faction existait, pas avec Hamiti, il y avait ses prédécesseurs qui étaient là, et lui il a toujours fait, c'est un homme du système, c'est un militaire de carrière, et c'est un homme qui est issu du Darfour, donc il sait très bien ce qui s'est passé dans le Darfour, c'est un homme, je ne pense pas que c'est des gens qui aient des scrupules quant à la vie humaine, ils sont insensibles à la vie humaine, d'ailleurs, regardez, on est en plein mois sacré, Ramadan, alors tous deux c'est des musulmans. Et moi, en tant que musulman, je peux vous dire que notre religion interdit à tout musulman, même en état de guerre, de faire ce qu'on appelle la trêve pendant le mois de Ramadan. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, mon cher musulman. Eh bien, Taïf Ousmane, merci en tout cas de rappeler le passif du général Bourhan et du général Hemeti. On se souvient encore du travail effectué par les hommes de Hemeti, ces forces de soutien rapide là, pendant les manifestations qui ont fait tomber Omar el-Béchir. Elles ont en quelque sorte martyrisé les pauvres civils soudanais. Merci en tout cas de nous faire ce rappel historique. Mais le pays a déjà connu, Taïf Ousmane, une sécession entre le Soudan et le Soudan du Sud. Y a-t-il des risques, si ce conflit s'envenime, que le Soudan connaisse une autre sécession? Vos questions sont toujours pertinentes, mon cher Junior. J'aime bien vos questions. Vous titillez là où il faut. Il est vrai qu'il y a un risque. D'ailleurs, pas plus loin que cet après-midi, j'étais sur un travail. Comme par hasard, écoutez, il y a pas de, c'était sur le Soudan d'ailleurs. J'étais en train d'écrire sur le Soudan bien avant. Je m'étais lancé sur ces travaux et je pouvais déjà il y a 2 ou 3 années, j'avais écrit que le Soudan était menacé de sécession du côté du Darfour et même du côté de l'est du Soudan. On veut réduire ce pays. D'ailleurs, C'était, si vous vous rappelez, ce qu'on appelle le GMO, le grand Moyen-Orient, qui a été donc, on va dire, initié et surtout pensé par Bush et son équipe à l'époque, en 2003 et 2004, donc c'était un projet piloté par Condoleezza Rice, qui justement s'était déplacé en Libye à l'époque, et Kadhafi, qui était quand même un homme très intelligent, quoi qu'on puisse lui reprocher, avait compris justement le déplacement de cette femme. Il avait même refusé de lui serrer la main, pour vous dire que le projet ne date pas d'hier. Le projet remonte après ce qu'on appelle les événements du 11 septembre. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, on avait jugé, surtout le bureau ovale. Donc, ils avaient décidé à l'époque, avec le Pentagone américain et avec tous les conseillers qui gravitaient autour de Bush, dont Bernard Lewis, qui est aujourd'hui décédé, un homme qui connaissait très bien le Moyen-Orient. Ils avaient à l'époque, justement, et ils étaient plutôt les architectes de la guerre déjà en Irak, et c'était dans cette perspective-là qu'ils voulaient revenir sur le tracé de ce qu'on appelle Sykes-Picot de 1916. Donc, le monde arabe a été à l'époque partagé donc entre Français et Britanniques. Donc, les Américains, ils ont jugé que ce tracé n'était plus d'actualité et qu'il fallait donc retracer ce qu'on appelle la cartographie du Moyen-Orient en créant des mini-États confessionnels. D'ailleurs, on l'a vu en série. Hein, en série, vous avez ce qu'on appelle des zones qui sont contrôlées par des islamistes, d'autres qui sont contrôlées par les FDS, c'est-à-dire les forces démocratiques syriennes. Donc, c'est des Kurdes essentiellement qui ont chassé les Arabes de l'Est du pays. Donc, on voit bien que le projet a été savamment mis en place depuis pratiquement 2001, hein, depuis au lendemain des attentats de septembre 2011. Aujourd'hui, on voit les conséquences. D'ailleurs, c'est pas encore fini, Junior. Vous avez très bien fait de me poser la question dans ce sens. Le Soudan, il est toujours sous la menace d'une partition. Et j'en suis sûr et certain que si les deux hommes ne vont pas revenir à de meilleurs sentiments, leur pays va être découpé en morceaux. Il n'y aura plus de Soudan, il y aura plusieurs Soudans dans ce cas-là. Il n'y a pas non seulement le Soudan qui est menacé de partition, et vous avez aussi, malheureusement, je dois le dire même en direct, l'Algérie aussi qui est menacée de partition. On a essayé de jouer un peu sur ce qu'on appelle la composante berbère en Algérie, alors que nous autres, nous sommes quasiment, même totalement, je dirais, d'origine berbère, mais sauf que nous sommes issus, ça dépend de quelle région on vient, on est arabophone, on va dire par acquis, hein, mais notre langue était le berbère. Et on a joué sur ça. Il y a même le Maroc voisin qui a essayé de jouer sur cette fibre pour justement faire pousser les Algériens changer leur politique à l'endroit du Sahara occidental. On voit bien que cette dynamique, elle est toujours d'actualité. Et pour revenir au Soudan Junior, c'est que le Soudan, aujourd'hui, c'est un pays, je l'ai dit pas plus loin qu'hier, le Soudan est un pays qui est frappé par la malédiction des renversements depuis le condominium anglo-égyptien, c'est-à-dire avant l'indépendance consécutive. Déjà, il y a eu ce qu'on appelle la guerre civile qui avait éclaté juste avant l'indépendance et qui avait coûté quand même 500 000 morts au Soudan. Après, il y a eu encore coup d'État sur coup d'État depuis Noumeiri. Je parle de Jafar Noumeiri qui a échappé aussi lui à donc un attentat et puis qui a fini sa vie ailleurs. Et vous avez Omar Bachir qui revient en 89 aussi. Donc c'était les islamistes. Au départ, c'était les communistes avec l'aide de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, c'est les islamistes qui justement ont pris le pouvoir au Soudan. Et a priori, d'après, on va dire, les informations qui nous parviennent, certaines sources parlent de retour d'islamistes qui essayent, on va dire, c'est une percée des islamistes qui veulent justement récupérer le pouvoir et rétablir ce qu'on appelle le régime d'Al-Bashir. Bien sûr, entendu, c'est pas Al-Bashir qui va revenir, mais c'est les islamistes. À savoir, là, maintenant, c'est une information vérifiée, l'armée soudanaise actuelle,